Voici Guillermo Guy. Ça va les amigos? Mais oui. Très bien, Guy. Mais la semaine dernière, j'étais à Montreux avec plus ou moins 97% des humoristes de cette émission. À part Tanguy, on était tous là-bas. J'étais étonné qu'ils programment pas les Ila, franchement. Apparemment, c'est l'hôtel qui a pas voulu. Ils ont dit, allez, encore nous faire une dinguerie sur le minibar. La dernière fois, il n'y a plus de champagne, il y a bu le shampoing. Et puis, limite cheveux gras. Montreux, ils ont dit, hors de question qu'on lâche la bête dans un palace. Quoi. Tu vois, on est prospère en Suisse, mais pour la cadeau, on n'a pas les reins, tu vois. Parce qu'ils nous mettent dans un palace à Montreux, c'est vrai, festival de Montreux. Alexis, vous en a parlé, le jour, je suis resté 5 nuits. Après 5 nuits, je parlais comme Jean-Claude Brialy, quoi. C'est vrai, j'appelais tout le monde mon petit, vraiment. On me demandait quelle cuisson pour vos œufs au plat. Je disais, ah, surprenez-moi, vraiment. Alors que 5 jours avant, je t'aurais dit, frérot, c'est des œufs, tu vois, il y a du jaune, du blanc, je suis content, franchement, tu vois. Mais là, j'aime bien l'hôtel parce que je peux regarder la télé. Moi, il faut savoir que j'ai pas de télé chez moi. Et je regarde que quand je suis en tournée. La télé, en général, je rentre le samedi soir après le spectacle et je me dis, pourvu qu'ils aient Canal+. Mais ouais, samedi minuit 40, je me dis, à cette heure-là dans le film, théoriquement, ils ont déjà bien fait connaissance. Quand tu vois, ils se sont dit, t'as l'air d'être quelqu'un de bien, toi aussi, qu'est-ce que tu penses à 69, riche idée, des vêtements, pourquoi faire? Non, bah ouais, 8 fois sur 10, mais l'hôtel, c'est des radins, ils ont pas Canal. Mais bon, ils ont du wifi, tu vois, dans les grandes lignes, ça revient plus ou moins au même. Au final, tu sais que ça va souiller de la faïence. Mais c'est vrai que. À minuit 40, tu mates la télé, putain, tu zappes tour à tour, t'es en immersion avec les gendarmes de Cannes, la BAC de Nice, la BRB d'Antibes et la brigade nue à Agde. Vraiment, je me demande s'il y a encore un délinquant de la Côte d'Azur qui est pas passé dans ces émissions. Quoi. Franchement, je comprends pas. Ils ont pas encore fait un concours. Tu vois, la France a un incroyable dealer, tu vois, présenté par Mercotte et Benoît Magimel. À cette heure-là, les redifs de TPMP, c'est bouillot de culture. Quoi. T'as l'impression d'acquérir un savoir. Quoi. Vraiment, la journée, c'est pas mieux. Là, tu te finis systématiquement par tomber sur un dîner presque parfait. Ça fait 15 ans que tu vois des gens cachés dans une salle de bain en train de dire moi, perso, je vois pas en quoi ça, c'est intéressant. Ça fait 15 ans. C'est bon, là, tu vois. Parce qu'il y a encore un téléspectateur en France qui stresse en disant peut-être que les convives vont pas aimer. On s'en fout, tu vois, c'est bon. Moi, j'ai un plaisir coupable à la télé, c'est les émissions de bagnole sur RMC Découverte l'après-midi. Tu vois, ils achètent des voitures, ils les pimpent et tout, ils les revendent. Il y a des doublages incroyables. Tu vois, ils sont en Angleterre, t'entends. Kevin, il me faut absolument un nouveau carburateur pour que, comme ça, cette caisse, on va la pousser à fond, mec. C'est vrai, mec, je vais pouvoir te trouver. En fait, au cours Florent, il y a aussi des gens, ils sortent avec la mention assez bien, tu vois. Il faut du taf pour tout le monde, tu vois. Mais soit, lundi passé, j'étais à Montreux, 9h du matin, j'allume la télé, j'ai un peu de temps devant moi et je tombe sur CNews. Et je me fais, putain, c'est l'heure des pros. Et j'avais entendu parler de cette émission, je l'avais jamais. Nagui, vous m'en avez parlé plein de fois en mode, ouais, moi j'aime que ça. Pascal Pro, c'est le nouveau Michel Pollack. Taratata, c'est un tremplin. Mon vrai but, c'est d'être chroniqueur là-bas. C'est vrai, Nagui, il est fan. C'est pour ça qu'il parfois il arrive en retard à 11h parce qu'il est, tu vois, il me dit jusqu'à la dernière fois. Et du coup, je me suis attardé, j'ai regardé l'heure des pros. Et franchement, ça déchire, quoi. C'est hyper bien. Allez, je vais pas aller louer une chambre d'hôtel exprès pour mater ça à 9h tous les matins, mais c'est cool à regarder. Ça qui est génial avec le Poujadim de droite, tu vois. Tu t'ennuies pas, quoi. C'est fascinant. Je suis pas d'accord avec tout. Tu vois, genre Zemmour. Moi, je trouve perso, il est un peu sexiste. Eux, pas. Mais je crois qu'il voit pas très bien ce que c'est le sexisme, ou alors il voit pas très bien qui c'est Éric Zemmour. C'est un des deux. Ils sont un poil de mauvaise foi. Mais quand tu regardes ça, t'as l'impression de manger un McDo, quoi. Tu vois, au fond de toi, tu sais que c'est pas bien, mais le goût. C'est vrai, il y a aussi des émissions de débat avec des vrais experts, etc. Mais c'est pas du McDo, quoi. C'est le plat du chef dans le TGV Lyria, tu vois. C'est boulgour à la betterave avec la crème de chèvre. Objectivement, c'est meilleur pour la santé, mais ça donne pas le smile, quoi. C'est vrai. Moi, je trouve que ça manque une émission poujadiste d'extrême gauche, quoi. Vous allez me dire, France Inter. Oui, mais je veux dire un vrai talk show avec que des gens woke, mais qui sont d'accord entre eux et qui commencent toutes leurs phrases par « Moi, je pense que les Français en ont assez. » Bon, tous, franchement, ça parlerait écologie, justice sociale, féminisme, de racisme et tout. Il y aurait des phrases du genre « Moi, je m'en fous, je vais parler vrai. L'immigration, c'est une chance pour la France. » Tout le monde sera là « Ok, pas de tabou. » Il faut des clashs de gauche, un peu du simplisme de gauche. Et là, dans mon palace, à 9h du matin, je serais bien content de le regarder avec mes œufs au plat, cuisson saignant. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo.